Je ne crois pas à l'astrologie. Et vous? Moi, par contre, j'y crois. Je ne pense jamais à l'avenir. Et vous? Moi, par contre, j'y pense. Je ne m'intéresse pas à la politique. Et vous? Moi, par contre, je m'y intéresse. Je ne participe pas aux manifestations. Et vous? Moi, par contre, j'y participe. Je ne crois pas au progrès. Et vous? Moi, par contre, j'y crois.